Je viens de m'arrêter après une crevaison. La solution de sécurité est de changer la roue rapidement. Réponse A. Rejoindre une borne d'appel d'urgence. Réponse B. Aller à la prochaine station-service. Réponse C. Appeler les secours avec mon portable. Réponse D.